Activité 4, page 103. Piste 80. A. Cette robe est très à la mode. B. Elle porte une jupe assez jolie. C. Ce Jean est un peu ridicule. D. Je n'aime pas du tout ce blouson.